Choi Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée et autres cadres du parti, du cabinet ministériel, du ministère des Forces armées populaires et de l'Union de la jeunesse, ont visité le 4 la résidence des délégués à la cérémonie commémorative du 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée pour les féliciter.